Les délégués à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung ont visité le musée des hauts faits du mouvement de la jeunesse. Dans le hall général, ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les statues en pied du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il qui se trouvent parmi les jeunes avant de leur rendre hommage. Ensuite, ils ont visité le musée central d'éducation de classe.